De nos rêves, vers la prostitution des idées, vers l'insalubrité publique, vers Malthus et ses théories, vers le clonage industriel, vers la mort et son industrie, vers la connerie universelle. Artificielle, vers la destruction de la planète, vers la génération poubelle, vers l'individualisme et le mépris, vers la connerie universelle. Est-ce que vous laisserez dans mon esprit? Depuis longtemps, vers le retour de l'esclavage, vers le non-partage des richesses, vers la destruction des rivages, vers le contrôle des faits et des gestes, vers la fermeture des visages, vers le retour des dérapages. Vers la connerie universelle, vers la connerie universelle, vers la connerie universelle, vers la connerie universelle, vers la connerie universelle, vers la connerie universelle, vers la connerie universelle.